Alors, encore une fois, nous sommes dans cette belle joie de Pâques. Donc, toute la semaine, ceux qui ont eu l'occasion de venir à une messe de semaine, eh bien, on a entendu différents récits des manifestations de Jésus ressuscité. Et pourquoi nous sont donnés ces différents récits, des témoignages de ceux qui ont vu ces événements? Ici, Jean nous le dit. On aurait pu en prendre bien d'autres, mais ceux-là y ont été mis dans ce livre afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Donc l'enjeu de ces récits, c'est notre foi. Mais l'enjeu de notre foi, c'est quoi? Eh bien, c'est de puiser au réservoir de grâce que Jésus a acquis par sa passion et sa résurrection. En Jésus est venu aimer dans le monde, nous apprendre à aimer, mais il est venu aussi justement nous réconcilier avec Dieu. Nous réconcilier avec Dieu. D'ailleurs, l'un des premiers cadeaux de Pâques, hein, il y a toutes sortes de cadeaux à Pâques. Il y a du chocolat, mais il y a bien d'autres choses. Et il y a des choses beaucoup plus précieuses, justement, que le chocolat. Un de ces cadeaux, c'est la paix. Hein? Quelle est cette phrase que Jésus a répétée par trois fois dans la lecture qu'on vient de lire? La paix soit avec vous. Jésus veut donner sa paix à notre monde tourmenté. C'est juste d'ouvrir un peu les journaux ou la télé pour savoir que notre monde a besoin de paix. Il y a toutes sortes de tensions. Mais c'est pas juste le monde extérieur qui a besoin de paix, c'est aussi notre cœur qui en a besoin. Et si on se sent un petit peu plus ou moins tourmenté, ça peut être des anxiétés, ça peut être des colères, ça peut être des jalousies, des envies, qu'importe, ce qui tourmente notre cœur, eh bien oui, peut-être disons à Jésus, viens t'en don avec ta paix que tu as donnée aux apôtres et donne-moi cette paix. Donc c'est le premier grand cadeau que Dieu veut donner à Pâques. Mais un autre grand cadeau, c'est l'Esprit Saint. Hein, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui avec ses disciples? Le texte dit, il répandit sur eux son souffle. Hein, il a soufflé sur eux, il a donné l'Esprit Saint. Il a dit, recevez l'Esprit Saint. Par lequel ensuite, il les envoie donner la miséricorde. Hein, quand le prêtre, ici, il y a des prêtres là, qui confessent avant la messe, c'est pas en leur nom. C'est par la puissance de l'Esprit Saint qu'il délie les fardeaux de nos cœurs, de nos péchés, et qu'il coupe ces cordes-là, qu'il dit, c'est bon, c'est fini, c'est du passé, marche en liberté, la liberté des fils de Dieu. Donc le temps de Pâques jusqu'à la Pentecôte, hein, c'est le temps où l'Église appelle l'Esprit Saint, l'Église le demande, elle dit, elle crie vers le Père et vers Jésus, donne-nous cet Esprit Saint. Donne-nous cet esprit que tu as promis. C'est quoi cet Esprit Saint? C'est qui? En fait, c'est l'Esprit qui était là au début à la création, qui était là quand Dieu a fait le monde. Donc, c'est un Esprit créateur. Donc, c'est intéressant de le prier. Pourquoi? Parce qu'il peut m'aider dans ma vie pour me recréer si j'en ai besoin, si je me sens plus ou moins en ruine, ou si je sens que mon jardin est sec. Eh bien, Dieu peut mettre un peu de verdure dans ma vie. Je peux mettre quelques fleurs. Oui, je peux l'esprier, cet esprit créateur. L'Esprit Saint, c'est aussi, évidemment, cet esprit par lequel Jésus s'est fait chair. Hein? On dit dans Luc, l'Esprit l'a couvri de son ombre et le Verbe en elle s'est fait chair. Donc, l'Esprit Saint, c'est aussi celui par qui Jésus va prendre chair dans ma vie. Je vais mieux le comprendre. L'Esprit Saint est aussi celui qui me permet d'aimer et d'aimer jusqu'au bout. Et au baptême, donc la plupart d'entre vous êtes baptisés, au baptême, on reçoit un kit de départ. On reçoit les vertus théologales de foi, d'espérance, de charité. Mais aussi au baptême, on reçoit les dons de l'Esprit Saint qui sont comme des capteurs pour mieux vivre en en harmonie avec le monde spirituel et mieux percevoir les impulsions de Dieu qui se diffusent de lui-même. C'est comme des grandes antennes, les divers dons de l'Esprit-Saint, qui m'aident dans différents domaines, où on peut prendre une autre analogie, celle des voiles. Hein, les voiles dans lesquelles, si on les étire, eh bien, le vent va souffler et va me porter ailleurs. Eh bien, on a pensé, après les 7 péchés capitaux qu'on a abordés durant le carême, hein, on a fait une série. Maintenant, on développe une nouvelle série jusqu'à la Pentecôte qui va parler des 7 dons de l'Esprit-Saint. Ces grandes voiles qui nous permettent d'avancer. Et aujourd'hui, trop brièvement malheureusement, mais on va commencer avec le don de sagesse. Le don de sagesse qui est l'un de ces 7 dons, les autres, le don de conseil, don de force, don de piété, de crainte de Dieu, etc. Mais aujourd'hui, disons un tout petit mot sur le don de sagesse. Le don de sagesse, d'ailleurs, il est relié donc à des mots latins, sapere, connaître. Et aussi, un autre mot latin, sapor, hein, qui veut dire saveur. Donc, qu'est-ce que la sagesse? C'est au fond une certaine connaissance que donne Dieu, mais une connaissance des choses de Dieu, mais une connaissance goûteuse, savoureuse de tout son plan d'amour. Une connaissance qui nous vient directement de lui-même. C'est pas juste le fruit d'une analyse, d'un raisonnement, comme pourrait faire la philosophie, mais c'est une connaissance donnée pour comprendre le Seigneur et comprendre son plan d'amour sur ma vie. Donc, le don de sagesse, il nous faut le désirer. Si spécialement on trouve que la vie n'a pas de sens, ma vie n'a pas de sens, que Dieu n'a pas de sens, que c'est dur, la prière, que ça goûte rien, eh bien, demandons à Dieu qu'il nous introduise plus en avant dans ce don de sagesse pour goûter, encore une fois, cette connaissance aimante de Dieu et l'expérimenter un peu comme aujourd'hui, hein. D'une certaine façon, nos apôtres, ils ont eu une connaissance savoureuse de Dieu. Ils ont appris qu'il était ressuscité, mais le texte dit bien, ils furent remplis de joie à cette rencontre personnelle qu'ils ont fait avec le Sauveur ressuscité et même Thomas. Donc, demandons à Dieu, justement, d'être nous-mêmes transportés par cette connaissance savoureuse. Comment faire, donc, pour grandir dans l'Esprit-Saint, pour grandir dans la sagesse aussi? Eh bien, c'est pas sorcier, il faut d'abord désirer. Je n'obtiens pas ce que je ne désire pas. Donc, il faut désirer l'Esprit-Saint, il faut l'appeler. Je vous invite à demander l'Esprit-Saint à chaque matin, à chaque fois que vous vous levez. Hein, c'est l'Esprit créateur, celui qui va nous permettre que la journée soit bonne et belle. Jean-Paul II priait chaque jour le Veni Creator Spiritus, la prière par excellence de l'Esprit-Saint de toute l'Église. Son père, quand il était servant de messe, le trouvait un petit peu trop agité. Il avait dit, « Carole, tu ne pries pas assez l'Esprit-Saint. » Prie l'Esprit-Saint. Et depuis ce temps-là, il raconte qu'il a commencé à prier l'Esprit-Saint, qui donne du goût aux choses de Dieu. Une autre façon d'acquérir l'Esprit-Saint, eh bien, c'est bien sûr de méditer la parole de Dieu, lire la vie des saints, et méditer sur tout ça, évidemment, dans un temps de prière. Et là, une autre chose qu'on vous encourage, on va vous proposer durant ce temps le temps pascal, de prendre un engagement de prière. Un engagement de prière. On propose à tous ceux qui en sentiront l'appel, et on espère que serez nombreux, de vous engager à prendre une heure de prière avec le Seigneur par semaine, pour 7 semaines. Donc, à venir, si possible. Par exemple, cette église, elle est ouverte de 7h à 7h le soir, du lundi au vendredi, puis le samedi, de 8h à peu près jusqu'à 6h. Et le dimanche, elle est aussi ouverte. Donc, on vous encourage à vous choisir un créneau horaire, vous faire un rendez-vous avec Jésus à chaque semaine. Pourquoi? Pour donner de l'espace à Dieu dans notre vie. Pour lui permettre de me faire grandir dans cette vie-là de l'Esprit-Saint. Et Jésus, hein, il est là au tabernacle, il est là aussi dans l'Eucharistie, il veut répandre sa vie. Donc ceux qui le voudront, on vous proposera, donc tout de suite après, il y aura un petit témoignage de Christa, mais juste après, donc, il y a des petites cartes qui ont été distribuées dans les bancs. Donc si l'un ou l'autre en manquait, il y a peut-être l'une ou l'autre personne, vous pouvez peut-être prendre dans le banc un voisin, si les gens sont moins motivés que vous. Mais cette carte-là, c'est pas tout le monde qui va s'avancer. On s'entend bien, c'est ceux qui se disent « Oui, moi, il me semble que je suis prêt maintenant à faire un pas de plus dans ma relation avec le Seigneur. Un pas de plus pour permettre au Seigneur de déployer la voile et je m'engage. Personne vous force. Mais ceux qui remplissent le petit carton, c'est un petit engagement en même temps pour prendre une heure cœur à cœur avec le Seigneur, ici ou dans une autre église. On vous encourage de prier peut-être dans une église pour ce petit engagement. Pourquoi? Pour essayer d'avoir la tranquillité du cœur. Et pour faire, quand on va chez le médecin, on se déplace. Quand on va chez le dentiste, on se déplace, etc. Donc, pour faire dire, je fais un effort durant ce carême. Voyons, ce temps passe. Il faut sortir du carême, hein? Désolé. On est dans le temps de l'Esprit-Saint, de le temps pascal. Mais laissez-vous porter par la grâce, justement. C'est pas juste un effort. Il faut être porté par la grâce. Pour ça qu'encore une fois, la démarche doit être très libre. On vous la permettra la semaine prochaine aussi. Ceux qui disent « Oups, je suis pas prêt maintenant, je vais attendre la semaine prochaine », c'est correct. Et on juge pas personne, on juge pas ni ceux qui y vont, ni ceux qui y vont pas. Et voilà. Je m'arrête ici pour laisser deux mots à Christa qui va nous témoigner de ce que ça a changé dans sa vie, le fait de prier un peu plus. Et ensuite, on aura un temps de recueillement pour ceux qui veulent prendre ce petit engagement, puissent le faire et vous pourrez apporter vos petits cartons devant l'autel. Oui Seigneur, donne-nous cet Esprit Saint et apprends-nous à prendre le relais dans nos vies pour qu'on puisse goûter ta vie que tu nous donnes. Donne-nous davantage aussi ce don de sagesse. Amen.